Donc, je vais vous parler de ce site sur lequel le CEALEF intervient depuis 1994. Donc, une très vaste histoire sur un site qui appartient donc à l'archéologie subaquatique d'Alexandrie. Rapidement, je vais revenir sur Alexandrie. Et donc, lorsqu'on regarde la ville d'Alexandrie aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on a fait table rase du passé et on voit une ville donc, qui présente un visage extrêmement moderne. Les vestiges antiques ont donc quasiment totalement disparu, avalés par les projets urbanistiques qui ont été menés depuis le début du 19e siècle. Et alors que le patrimoine donc, de cette ville qui a été dès l'Antiquité une des plus grandes métropoles de la Méditerranée, donc n'est plus visible que par de toutes petites fenêtres, dont certaines se referment irrémédiablement lorsque, par exemple, dans le cadre des fouilles de sauvetage, donc la fouille s'achève. Donc, nous ne connaissons plus que quelques petites pièces d'un immense puzzle à plusieurs étages, hein, puisque parfois, les couches archéologiques dans Alexandrie s'étagent sur près de 20 mètres de haut. Très peu donc, des monuments réputés de cette ville nous sont parvenus, quid de la grande bibliothèque évidemment, des temples, du stade et du phare d'Alexandrie. Alors que donc, Alexandrie et ses ports sont restés pendant très longtemps et encore aujourd'hui au centre d'un réseau de circulation et d'échange en Méditerranée. Donc, ce qui explique probablement pourquoi la ville a traversé les siècles, mais aussi pourquoi elle a constamment évolué, évidemment, changé de taille et de population. Comme dans beaucoup de villes vivantes, la récupération a donc été le maître mot de l'urbanisation, toute époque confondue, jusqu'au 19e siècle, et faisant disparaître donc progressivement les traces des époques antérieures. Donc vous voyez ici un exemple de citerne dans lequel des éléments de l'architecture gréco-romaine de la ville ont été réemployés. Donc c'est probablement aussi une des raisons pour laquelle depuis 20 ans l'archéologie alexandrine s'est tournée vers la Méditerranée et que les zones côtières donc, sont devenues le terrain de fouilles privilégiées des archéologues, révélant ainsi des sites relativement exceptionnels, voire uniques, comme celui de Taïbé, donc qui est repéré depuis la surface depuis plusieurs siècles, hein, puisque à la fin du XVIIe siècle, notamment, le consul de France en Égypte, Benoît de Mallet, rapportait qu'il pouvait voir, par temps de mer calme, des pièces se trouvant sous l'eau et qui lui-même rapporte aux ruines du phare d'Alexandrie. Malgré tout, donc, le site ne sera exploré qu'avec l'envol de la plongée en scaphandre autonome, donc au début des années 60, tout d'abord par un Égyptien du nom de Kamel Abdel Sadat, que nous a évoqué le docteur Abdelmed Guide il y a deux jours, et donc qui se pose, cet Alexandrin, comme le véritable inventeur du site sous-marin. Grâce au plan qui remet en 1961 au musée gréco-romain, l'année suivante, donc la marine nationale égyptienne fera le renflouement de cette statue colossale d'Isis, qui est aujourd'hui sur la pelouse du musée maritime. Donc l'aventure continue avec la campagne de prospection qui est organisée par l'UNESCO en 1968 et dirigée par Honor Frost, cet archéologue britannique aujourd'hui disparu, qui sera donc la première à produire une carte du site répertoriant 22 grands blocs architecturaux et de statuaire, et qui produira un rapport dans lequel d'ores et déjà elle va noter évidemment l'importance du site, mais également le fait qu'on a probablement affaire aux ruines de l'ancien phare. 25 ans s'écoulent et là, Asmaïl Bakri arrive avec un projet de documentaire sur des pièces du musée gréco-romain, parmi lesquelles elle reconnaît des pièces qui proviennent du site sous-marin. Et donc, elle décide de plonger sur le site accompagnée de Jean-Yves Empereur. Et à cette occasion-là, donc, elle va faire une constatation déplorable, c'est que le site est en train de disparaître donc sous ces blocs de béton qu'on noie donc à la pointe de l'éperon rocheux sur lequel s'élève le fort de Caïd Bey pour le protéger contre l'érosion de la mer. Donc, elle se tourne vers le docteur Noureddine, qui est alors secrétaire général des Antiquités égyptiennes, qui répond donc à cet appel et qui va confier à Jean-Yves Empereur la première fouille de sauvetage en 1994, ainsi que donc à l'Institut français d'archéologie orientale. Et donc, c'est à cette occasion que les fouilles sur le site vont démarrer. Donc, sur un site où l'on place traditionnellement l'ancien phare d'Alexandrie. La dernière mention qu'on ait du bâtiment à cet emplacement, enfin, en tous les cas de ces ruines, date de 1435, donc un petit peu plus de 40 ans avant la construction du fort Mamnouk, sachant que le bâtiment était évidemment en ruine déjà depuis plusieurs décennies. Alors, quelques mots rapidement hein, sur l'emplacement du site. Donc, comme vous le voyez, il s'étend donc au pied du fort Kaït Bey, sur une surface relativement importante, hein, puisque le site bloc uniquement fait plus d'un hectare 3. Et donc, c'est sur cet emplacement que vont être conduites les fouilles. Dans donc, un environnement, la Méditerranée, qui s'est révélé être à Alexandrie un contexte protecteur du patrimoine antique. Curieusement, puisque c'est quand même un contexte relativement agressif, hein, aussi bien pour les éléments carbonatés des roches que pour les matériaux périssables. Mais évidemment, face à l'essor fulgurant que la ville a subi, notamment dès l'entrée du 19e siècle, ce contexte de la Méditerranée apparaît comme extrêmement protecteur. Donc, à l'abri du pillage, de la récupération, on a tout un pan entier du patrimoine architectural alexandrin. Et donc, c'est sur ce patrimoine que le Centre d'études alexandrine a travaillé dès 1994. À partir de 1995, en tous les cas, les deux grandes campagnes de renflouement sont sur les dates de 1995 et 1996. Une trentaine donc, de pièces majeures du site ont été renflouées et sont pour la plupart exposées aujourd'hui sur le petit musée de plein air du site du théâtre gréco-romain de Comeldica. Ces pièces, comme celles qui se trouvent encore majoritairement encore sous l'eau, hein, puisque le site, on a à peu près 3500 pièces qui ont été repérées, pour 3000 qui sont d'ores et déjà inventoriées, donc font l'objet depuis 1994 d'une étude, donc afin de faire revivre l'histoire des monuments auxquels ces pièces ont appartenu. Donc que ce soit aussi bien des monuments typiquement alexandrins, mais aussi de monuments provenant probablement d'autres sites de l'Égypte antérieurs à l'établissement d'Alexandrie, comme donc ces fragments d'un obélisque de Séti Ier qui avait été amené à Alexandrie, probablement pour décorer l'entrée du phare, puisqu'on l'a retrouvé évidemment sous l'eau parmi les blocs du phare. Donc, un site extrêmement vaste qui représente la première difficulté d'étude de ce site. Hein. Puisqu'on a donc un hectare 3 pour à peu près 3500 éléments. Donc ces éléments ont d'ores et déjà été classés dans des bases de données en quatre grandes catégories, répertoriant donc des blocs architecturaux, des fragments de statuaire, des blocs qui appartiennent à d'autres types de monuments comme Naos, sur lequel on est actuellement en train de travailler, justement, obélisques, vasques, etc. Et également des objets en plomb, plomb, fer et bronze, qui appartiennent principalement à des scellements architecturaux qui ont appartenu aux constructions qui se trouvaient à l'origine sur cet emplacement. Les contraintes d'étude de ces pièces sont, pour les pièces immergées en tous les cas, sont relativement importantes et diverses, donc difficultés d'accès aux pièces sous l'eau, problèmes de visibilité et également, de pollution qui va grandissant avec l'accroissement de la population, même si ces dernières années des efforts assez conséquents ont été pris dans le sens d'une amélioration. Le poids des pièces également, et puisque les plus importantes d'entre elles font plus de 40 tonnes. Donc vous imaginez l'intendance autour de la gestion de ces pièces. Donc, les renflouages qui ont été réalisés entre 1995 et 1999, pour les derniers, puisqu'en 2000, si je me souviens bien, l'ancien service des antiquités égyptiennes donc, avait choisi de ne plus autoriser le renflouement des pièces de plus de 100 kg, et pour cause quand on voit la difficulté de traitement de ces pièces. Donc, exception faite pour la main droite du colosse, qui faisait quand même plusieurs centaines de kilos quand on a remonté l'eau, pour lesquels nous avions obtenu une dérogation en 2001 et qui a donc permis de remettre la main droite sur la statue dans le cadre d'un programme européen Medistone. Donc c'est un travail qui avait été fait par les Italiens. Donc on voit bien des renflouages qui ont vite montré les limites d'une telle action en matière de valorisation du patrimoine. Alors contrainte du renflouage, hein, comme vous pouvez l'imaginer, relativement lourde, notamment en raison d'investissements financiers, du coût du renflouage, du travail phénoménal que représente le traitement de ces blocs, surtout les plus grands, afin de pouvoir les exposer à l'air libre après ces siècles d'immersion, des dépenses de moyens et une durée conséquente des traitements de dessalage, et de nouveau des moyens de techniques et financiers pour la restauration, la conservation, et puis évidemment l'entretien des espaces où ces pièces sont exposées. Quand on voit le colosse aujourd'hui qui est présenté devant la bibliothèque, noyé dans cette ruelle, on se pose des questions quant à sa mise en valeur. Donc, des résultats, somme toute, relativement limités, puisque dans le domaine scientifique, si on regarde d'abord cet aspect-là, seules 3 anistyloses partielles ont pu être menées à partir des fragments qui ont été renfloués, pour agrémenter donc principalement ce petit musée de plein air, et puis bon, donc le colosse de la bibliothèque que vous avez vu. Alors, pour atteindre un nombre relativement limité également de visiteurs, hein, puisque les gens qui sont capables d'aller visiter, enfin, qui ont l'idée déjà d'aller visiter ce musée et d'y trouver les pièces, et pour découvrir tout juste 1% des ruines immergées, puisqu'on a 36 blocs de renfloués, enfin les plus importants en tous les cas, sur les 3500 qui sont repérés sous l'eau. Donc un accès à ce patrimoine qui est parmi les plus riches de l'Antiquité antique, qui, de mon point de vue, en tous les cas, n'est définitivement pas satisfaisant. Bon, même si, évidemment, certains monuments, comme la statue colossale, dont on a parlé déjà, d'un roi ptolémaïque, il y a une valeur symbolique très très forte hein, autour de cette statue qui, grâce à ce travail de renflouage, a pu rejoindre la postérité de la ville moderne. J'avais fait rapidement un petit historique de cette histoire. Donc après le renflouage, le dessalage de la statue, elle avait été donc transportée en France pour le réassemblage des différents fragments. C'était EDF en fait, Électricité de France, au travers d'un mécénat technologique et scientifique qui avait été en charge de l'accostage de ces différents fragments. Et à l'issue de ce travail, la statue avait été exposée devant le musée du Petit Palais en 1998, à l'occasion de l'exposition de la Gaulard d'Alexandrie. Mmh. Et donc, c'est après son retour en Égypte qu'elle avait été exposée, érigée devant la Bibliotheca Alexandrina, rendant ainsi hommage au probable fondateur, donc créateur du Muséum, dont faisait partie la première bibliothèque. Donc, au travers de cette petite présentation, donc, j'ai essayé de vous faire saisir l'importance du site pour le patrimoine alexandrin et égyptien, puisque, enfin, je ne pense pas mentir en disant que le phare d'Alexandrie est au moins aussi réputé que les pyramides de Khéops et de Khéphren. Donc, il faut bien reconnaître que la difficulté d'accès au site sous-marin rend sa visibilité quasi nulle, si ce n'est au travers d'images publiées dans les revues grand public ou de documentaires. Qui deviennent tous rapidement obsolètes au fur et à mesure que le travail des archéologues avance. Rapidement, je vais revenir sur les moyens de cette étude, les moyens d'inventaire, de topographie, de cartographie. Tout d'abord, en faisant un rapide inventaire des méthodes traditionnelles qui ont été utilisées sur le site, hein, notamment la topographie directe. Donc, une méthode relativement performante puisqu'on l'utilise encore aujourd'hui qui nous permet de relier les points qui sont levés sous l'eau au système de coordonnées générales de la ville d'Alexandrie et qui met en œuvre donc un prisme monté sur une bouée qui est dirigée vers le topographe qui est sous l'eau, donc vous voyez l'appareillage sous l'eau, maintenu à l'aplomb du point à lever grâce à ce système de palans et de gueuses manipulé par 3 plongeurs, donc un système relativement lourd. Et donc, qui permet de faire des mesures. Également, un petit clin d'œil sur cette méthode ancestrale, puisqu'elle avait été développée par les géomètres égyptiens dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, qui nous permet aujourd'hui encore de compléter les plans pris sous l'eau, donc la triangulation en l'occurrence. En 1998, nous avons mis en œuvre une méthode qui s'inspire de ce qu'on fait en préhistoire, donc avec ce carvaillage matérialisé sous l'eau par ces tubes métalliques divisés dans un quadrillage tous les mètres sur une surface d'à peu près 36 mètres carrés, donc qui nous permettait de faire des relevés en direct ou mesurés, et jusqu'à cette méthode très moderne, donc mise en œuvre à partir de l'année 2001, lorsque le centre d'études a fait l'acquisition donc, de cet appareil qui s'appelle l'appomètre décent, développé par la société PLSM, une société française, et donc qui permet de faire des relevés acoustiques directement sous l'eau. Donc à l'aide de cette base interférométrique et d'un pointeur que vous voyez ici à droite sur l'image, qui permet de faire des mesures directement enregistrées donc dans la machine directement sous l'eau, mesures qui seront déchargées dans un ordinateur par la suite. Donc là on voit Ismaïl au travail sous l'eau en train de faire des mesures. Donc une cartographie qui est couplée à cette base de données qui avait été également évoquée par le docteur Abdelmagid. Donc, et qui nous permet donc d'enregistrer toutes les informations qui sont prélevées sur les blocs sous l'eau, aussi bien textuelles que multimédia. Et informations donc qui sont reportées sur la carte du système d'information géographique. Des manœuvres de déplacement de blocs à l'aide de ballons. Là, les bases de données, encore une fois, viennent aider les plongeurs dans leurs activités, notamment en permettant de calculer le poids des blocs à déplacer et du coup le volume des ballons à mettre en œuvre pour le déplacement de ces blocs. Et à côté de ce travail systématique, donc des études spécialisées qui sont engagées sur notamment les blocs remarquables, et là également repérés grâce aux bases de données, les inscriptions, les décors, les pièces en métal, l'étude des roches importées, géomorphologie du substrat, etc. Des sondages qui permettent d'observer donc le niveau du substrat dans les zones sableuses et d'envisager donc des prospections à plus large échelle, là où on trouve évidemment dans les sondages des blocs antiques. Et qui nous permettent également de découvrir donc ce patrimoine d'objets métalliques extrêmement important, puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, plus de 300 kg de plomb, fer et bronze ont été renfloués sur le site sous-marin. Donc ce sont, comme je vous l'ai dit, majoritairement des scellements architecturaux de type goujon, crampon, qui proviennent de l'assemblage des architectures qui sont immergées sur le site. Juste pour information, je ne sais pas me tromper... Voilà, cette agrafe en plomb, donc la SC421, donc fait plus de 20 kg. Donc vous imaginez la taille de ces pièces qui permettaient d'assembler, alors pour celle-ci, l'un des pieds droits de la porte monumentale que je vais vous présenter, qui a été retrouvée sur le site. Et ces deux pièces assez extraordinaires, donc qui sont en fer quasiment pur, hein, puisque 91% de fer pour l'anneau que vous voyez ici, et 95% de fer dans la composition de cette fausse denture, donc qui servait à tenir le montant et les frises d'un ventail qui faisait plus de 9 cm d'épaisseur, qui appartient également à cette porte monumentale. Et donc grâce à l'encadrement, la restitution de l'encadrement de la porte en granit, le volume, donc j'ai pu calculer le volume et le poids donc, du ventail que cette peinture servait à tenir, et en bois de cèdre, qui est quand même le bois le plus léger qu'on utilisait à l'époque pour ce genre d'aménagement. Donc là, le ventail, rien qu'un ventail aurait pesé plus d'une tonne 5. Donc les bases de données nous renseignent également sur la pertinence des éléments à étudier, comme je vous l'ai dit, et le SIG, donc le système d'information géographique, donc la carte, avec des cartes qui sont éditées régulièrement par le service topographie. Ces cartes permettent aux plongeurs de travailler sous l'eau et de localiser, donc de nouveau sous l'eau, les éléments à étudier. Donc ces pièces remarquables faisaient l'objet jusqu'à aujourd'hui d'un levé détaillé, donc travail de fourmi effectué sous l'eau ou de moulage, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc des moulages dans un contexte relativement difficile. Et donc qui ont permis d'étudier dans un premier temps et de déchiffrer des textes et d'analyser des décors de blocs qui sont encore immergés. Donc ces levées détaillées ont permis de faire un certain nombre de restitutions de fragments, de parties de monuments auxquels ces fragments ont appartenu. Et encore une fois, la complexité de certains assemblages, la complexité de l'étude de certains de ces fragments ont encore encouragé l'innovation en matière d'acquisition et nous ont mené progressivement ainsi alors vers une nouvelle méthode que je vais vous présenter qui a été adaptée donc à l'étude des fragments eux-mêmes mais aussi à l'étude du site dont l'étendue comme vous avez pu le voir et la géométrie accidentée rendent également l'étude difficile. Donc en 2009, une collaboration entre experts du patrimoine et informaticiens a été lancée, regroupant 4 partenaires. Donc évidemment le centre d'études Alexandrine comme partenaire scientifique représentant cette expertise du patrimoine et 3 partenaires, 3 laboratoires d'informaticiens, donc qui étaient 3D Arcovision, Astia Recherche à Biarritz et également à Bordeaux, donc INRIA, INPARLA, donc tous dans l'expertise 3D du patrimoine et dans l'assemblage virtuel du patrimoine. Donc notre motivation était évidemment la difficulté d'étudier les fragments, notamment de sculptures antiques et les blocs d'architecture sous l'eau, analyse physique donc compliquée, parfois dangereuse compte tenu de la taille et du poids des fragments, la difficulté d'accès et les mauvaises conditions d'éclairage à ces pièces, auxquelles s'ajoute l'érosion des surfaces après évidemment des siècles d'immersion. Donc notre objectif était de trouver une méthode relativement simple, légère, peu coûteuse et non polluante et surtout évidemment adaptable aussi bien en contexte sous-marin qu'en contexte terrestre. Et évidemment la photogrammétrie s'est rapidement imposée compte tenu de toutes ces contraintes et compte tenu de la qualité des premiers résultats qui avaient été obtenus. Donc rapidement s'est engagée la création de doubles numériques en 3D par photogrammétrie et dès donc 2010 les doubles numériques des fragments pièces renflouées et pièces immergées sont venus donner corps donc à une vaste bibliothèque virtuelle des pièces archéologiques. Ce programme a ensuite été récupéré, le CEALEX s'est approprié ce travail, donc avec une équipe qui est aujourd'hui constituée de 4 personnes travaillant sur le traitement, donc le docteur Mohamed El Sayed, Mohamed Abdelaziz qui est ici présent, Philippe Soubias et moi-même. Et donc l'équipe s'est attachée à perfectionner le protocole d'acquisition par photo et le traitement des pièces individuelles, notamment donc afin d'améliorer les travaux d'Anastilos qui sont conduits sur ces fragments. Donc, je vous ai là rapidement montré l'évolution sur cette statue d'Isis du dessin de 2001. Donc vous voyez ici à nos résultats en 2015. Après donc l'acquisition en 2011 d'une série de photos dans les jardins du musée maritime d'Alexandrie grâce à une grue nous a permis de lever les fragments et de les retourner et donc d'acquérir la photo dans la statue dans son entier. Donc, et de voir que donc, vous voyez le résultat 2012, donc, qui est le résultat qui avait été présenté au musée de la Marine à Paris dans le cadre d'une exposition sur les phares. Le travail qui avait été effectué dans le cadre de la NR Search avait utilisé un programme d'accostage développé par des informaticiens qui utilisait donc des algorithmes d'accostage permettant un assemblage semi-automatique et donc qui malheureusement montrait les limites de leur action hein, puisque l'assemblage en fait du corps des 2 fragments de la statue a été résolu par l'équipe. Et donc aujourd'hui, on peut présenter la statue telle qu'elle était probablement à l'époque. On voit bien que cette appropriation en fait, de l'outil de la photogrammétrie par les équipes de recherche est extrêmement importante, c'est en retravaillant par photogrammétrie les fragments et en travaillant l'assemblage à la main le travail fait par les experts du patrimoine qu'on est arrivé à ce résultat. Donc une fois cette anastylose virtuelle achevée, la statue donc peut être étudiée en laboratoire, c'est-à-dire dans la fenêtre de l'ordinateur, par le biais de techniques de visualisation expressive, où là il s'agit de trouver le meilleur éclairage virtuel pour mettre en relief certaines caractéristiques de la statue, de la sculpture, et éventuellement pour la mettre en situation, donc sur ces images que vous voyez ici à droite, avec différents éclairages, dans la position de l'observateur tel qu'il était à l'époque, quand la statue était dressée sur son socle, avec un éclairage donc ici par le bas, ici par le haut, qui nous montre la statue telle qu'on pouvait la voir quand on était à son pied. Rapidement, donc, les images d'une anastylose virtuelle qui est en cours sur une seconde statue d'Isis. Donc, et ici, on voit bien que les doubles numériques nous ont permis de remettre en cause la restitution qui avait été menée en 2D par des collègues, en regroupant en une seule et même statue trois fragments qui à l'origine avaient été séparés dans les restitutions 2D et donc dans deux statues différentes, et notamment une statue masculine pour ce bassin, puisque c'est la 3D qui a permis de révéler en fait le drapage de ce bassin de statue, et donc de le raccorder avec le buste qui avait été découvert, ainsi qu'un bras donc, qui se trouve actuellement dans les magasins de Chalalat. Donc également sur l'architecture, donc on a commencé à engager des travaux d'anastylose virtuelle avec cet exemple sur la porte monumentale dont les fragments ont été partiellement modélisés parce que malheureusement vu leur taille il est compliqué d'accéder à toutes les faces. Et je terminerai donc sur ce dernier exemple, enfin en tous les cas pour la 3D, pour vous montrer que l'anastylose virtuelle peut aider à réfléchir à mener à une anastylose réelle, donc avec ce sphinx autour desquels les questions d'accostage étaient animées, relativement animées. Donc c'est l'étape virtuelle qui a permis de passer sereinement au remontage du sphinx qui est actuellement exposé toujours sur le musée de plein air du théâtre romain de Comédica dans une forme plus complète qui n'était jusqu'alors, puisque la tête se trouvait dans des réserves et le plastron et le bas du sphinx étaient exposés sur deux socles différents. Enfin, grâce au mécénat de la Fondation Honor Frost, qui nous accompagne donc maintenant depuis 2013, l'équipe s'est lancée donc dans l'acquisition en 3D du modèle numérique de surface du site sous-marin. Pour des premiers résultats qui ont été produits en 2014, et ce résultat qui provient de la dernière fouille 2015, donc qui montre qu'on a déjà couvert quand même une grande partie du site, il y a 7200 m², donc qui ont été couverts grâce à cette photogrammétrie et à l'expertise de nos collègues égyptiens. Donc une méthode d'acquisition qui est aujourd'hui éprouvée, une mise à l'échelle qui se passe plutôt bien. Donc nous en sommes au stade des méthodes de géoréférencement de ce modèle numérique de surface et régler évidemment quelques problèmes d'ajustement et bien sûr il nous restera à finir l'acquisition du reste de la surface du site. Donc au moins 1,3 hectare, je vous rappelle, pour le site bloc, mais sachant que nous avons décidé avec le docteur Mohamed El Sayed d'élargir en fait cette acquisition de façon à probablement couvrir tout ce qui était l'île, ce bout d'île sur lequel s'élevait le phare. Et ensuite donc nous pourrons envisager les moyens de tirer du document final des informations scientifiques pour commencer. Donc notamment la réalisation là cette fois-ci d'un modèle numérique de terrain qui nous donnerait une image du substrat de relier donc à cette image 3D du site une banque de données répertoriant l'ensemble des informations qui ont été collectées sur le site depuis 1994. Donc ces données enregistrées ont permis de distinguer au moins trois aménagements différents qui sont advenus sur le site, qui avaient été évoqués là également par le docteur Abdelmedid il y a deux jours. Donc cette zone C3 qui est la plus récente, qui correspond à l'aménagement le plus récent, donc probablement d'une digue immergée qui est encore visible au début du XXe siècle, puisque le docteur Breccia y fait référence, et qui servait à protéger probablement les murs du Fort Kite Bay de l'érosion marine. Une zone C2, que vous voyez ici, à l'est du site, qui couvre les restes d'une construction d'époque romaine, et enfin une zone C1, sur laquelle on trouve plus spécifiquement les ruines de l'ancien phare. Donc avec des fragments qui nous ont permis de remonter, entre autres, donc cette porte monumentale de près de 13 mètres de haut, en granit, cette galerie de portraits royaux, ainsi que les restes d'une porte de style pharaonique que je ne vous montre pas ici, enfin, qui est aussi en cours d'étude. L'étude donc de la position des fragments sous l'eau nous a permis de remonter progressivement vers la restitution et la position initiale du monument, avec la position initiale des deux statues, des grandes statues colossales, avec leurs deux bases qui se trouvaient ici et donc du côté intérieur de la porte, et les quatre petites bases de statues donc, qui supportaient quatre autres statues d'au moins 6 mètres de haut, donc également statues colossales, qui s'élevaient quant à elles donc, sur cet ensemble de dalles qui sont donc en jaune sur cette image. Donc on peut, par ces études de plans de chute de blocs, remonter à la position originelle au moins de la porte et donc probablement du bâtiment, et donc proposer une restitution visuelle de la configuration de l'espace telle que nous offre l'étude des données archéologiques, complétée donc par les sources documentaires anciennes. Donc une image qui vient largement renouveler celle véhiculée par les restitutions, à commencer évidemment par celle produite dès la fin du XIXe siècle par, vous aurez reconnu l'image d'Hermann Tirsch, donc publié dans son Der Pharos von Alexandria, et donc on peut aujourd'hui évidemment commenter sur de nombreux points, mais aujourd'hui, quand on se rend bien compte en naviguant sur le web, qu'on s'intéresse toujours autant au phare et avant tout à son image, et donc j'ai pu constater en faisant une recherche rapide sur le web où des centaines de dessins circulent sur l'image du phare, que l'image de Tirsch reste évidemment la référence principale auquel se réfèrent les auteurs internautes néophytes qui brodent au gré de leur imagination sur cette image du phare. Malgré tout, on est heureux de constater que certaines illustrations, comme celle-ci qui provient d'un site mené par un internaute égyptien, donc s'inspirent déjà de nos travaux et donc elles se nourrissent aux idées nouvelles qui émergent au fur et à mesure que notre travail est expliqué. Mais qui restent évidemment des images arrêtées à une date X des travaux de cette recherche. Donc on voit bien l'importance de communiquer au grand public les résultats de la fouille, évidemment, et donc de rendre le site probablement plus accessible à un plus grand nombre, bref, peut-être de démocratiser l'accès aux données. Évidemment, on peut s'interroger sur la question de la forme à donner à cette communication. Alors, selon une étude qui a été réalisée par l'Institut de sondage Ipsos et par l'INRAP, 43% des Français sont intéressés par l'histoire et l'archéologie. Donc je pense qu'il serait intéressant et enrichissant de faire un sondage similaire en Égypte, où les gens sont particulièrement fiers de leur patrimoine, comme vous le notiez. Et par ailleurs, on voit bien que le web et les supports nomades ont aujourd'hui un impact très important sur la vie sociale. Alors, évidemment, la question est de savoir comment les utiliser, les transformer pour renouveler les interactions entre recherche archéologique et société. Évidemment, si l'on resserre la question autour du site qui nous intéresse ici, la question serait de savoir donc, quelle image l'archéologie sous-marine à mener à Kite Bay, peut-être donner d'elle-même via les technologies numériques et le web. Donc on a vu la diversité des travaux qui sont menés depuis 1994 sur le site jusqu'à la photogrammétrie 3D qui est en train de révolutionner au passage l'archéologie sous-marine quand même, il faut le noter. Les contenus numériques sont donc de plus en plus présents et divers jusqu'à ces images en réalité virtuelle. Et qui pourront donc éventuellement devenir le support à une adaptation nécessaire, je pense, de la valorisation scientifique par lesquelles donc son périmètre d'action pourra être élargi. Donc concrètement, comment cette valorisation via le web et les supports nomades peut-elle être mise en œuvre et puis dans quel but, évidemment. Donc la recherche, quand elle s'appuie depuis de nombreuses années déjà, sur les applications développées autour des contenus numériques. Et des supports de valorisation ont par la suite été développés, destinés à porter le programme de cette recherche, évidemment, tout d'abord dans une relation unilatérale, hein, émetteur-récepteur, au travers donc de la presse, comme je vous ai dit, documentaire, également de sites web. Donc les cybermusées ont sans doute été une des premières applications destinées à un large public sur le partage d'éléments du patrimoine, donc sous la forme de contenu numérique. Les exemples sont multiples dans ce domaine, je ne vais pas y revenir. Il y a quelques années déjà, je voudrais juste signaler qu'on avait un projet de ce type, on avait envisagé un projet de ce type en fait, lié à la réflexion autour du musée sous-marin d'Alexandrie. Projet évidemment motivé par la multitude des données et par, pour les sources documentaires en tous les cas, leur dispersion de par le monde. Et alors merci à Mohamed qui m'a apporté ce matin donc, ces images qu'il a finalisées cette nuit chez lui. Donc avec l'essor de la 3D, il est évident que ce projet mériterait d'être lancé. Ce projet de cybermusée mériterait d'être lancé. Cette valorisation donc à relationnel unilatéral trouve d'autres applications au travers de divers supports numériques dont nous pourrions nous inspirer également pour communiquer sur l'archéologie subaquatique et la recherche autour du phare. Je citerai ici un très bel exemple, j'aime beaucoup le site Twell et Pixel qui est issu d'une collaboration entre la MOM, donc la Maison de l'Orient et de la Méditerranée de Lyon 2 et le CNRS, donc qui tend à partager l'expérience de professionnels des métiers de l'archéologie au travers d'un site web documentaire qui, je crois, à l'origine comprenait principalement des photos et des vidéos. Et aujourd'hui, c'est enrichi d'un simulateur 3D de chantier de fouilles, donc qui permet d'apporter des compétences dans les métiers de l'archéologie et pour les plus petits, des activités pédagogiques. Mais on voit bien aussi qu'en naviguant sur le web, il y a un nombre conséquent de projets de ce type, avec pour objectif donc le partage d'éléments du patrimoine situé sur le domaine public. Et la tendance actuelle est plutôt à l'ouverture vers une approche participative, amenant donc des amateurs passifs de l'archéologie à devenir actifs à l'aide de moyens numériques. En prenant par exemple des photos ou en intégrant des observations dans des bases de données interfacées avec divers outils comme par exemple Géoportail. On m'a parlé aussi de, en matière de libre accès donc, de l'exemple de Carnac qui visiblement a publié sur un site des blocs épigraphiés. Donc, vous l'aurez compris, l'étape suivante, en tous les cas de mon point de vue, serait de modifier la relation, cette relation unilatérale, émetteur-récepteur, recherche publique, en mettant en scène probablement des corpus de données archéologiques dans le cadre de systèmes de médiation, donc de valorisation numérique et collaboratif. Alors, probablement d'une part, en premier lieu, à vocation pédagogique, par le jeu par exemple, donc le processus de simulation là, sert l'auto-apprentissage de la démarche scientifique et où l'utilisateur donc, utilise les données réelles, les données archéologiques réelles mises à sa disposition. Sur le site de KIB, je me suis amusée à imaginer en fait, différentes applications ludiques s'appuyant sur le travail des archéologues, comme par exemple le calcul du volume d'un ballon pour déplacer un bloc sous l'eau où l'utilisateur aurait accès à des données réelles afin de réaliser l'exercice virtuellement, évidemment. Dans une application du principe d'Archimède qui ouvrirait probablement aussi une fenêtre sur les sciences alexandrines anciennes et sur l'histoire de l'école des ingénieurs alexandrins. Un autre exercice qui pourrait être proposé aux internautes, nettoyer un bloc de façon virtuelle sous l'eau et en faire la description détaillée et comparer cette description avec les données réelles enregistrées dans les bases de données pour au final peut-être aussi reconnaître le type de roche de ce bloc en accédant à la banque numérique d'échantillons de roches prélevées sur le site que nous avons. Peut-être aussi donc un exercice autour des ponts de scellement que vous avez vu sur le site donc au travers de cette animation donc, qui m'a été apportée aussi, alors si elle vient se redéclencher, voilà. Alors, j'ai été trop vite. Je vous la remets. Est-ce qu'elle va vouloir se remettre en route? Alors, voilà. Non, eh ben, elle ne veut pas. Alors, je vais revenir à cette image-là. Et je pense qu'elle va se remettre en route. Donc, chercher sur une animation de ce type-là les plombs sur le site, les retrouver, les renflouer, leur faire suivre le chemin jusqu'à l'atelier de restauration et les activités de restauration autour de ces plombs. Donc on voit bien la multitude des processus de simulation qui peuvent être envisagés, imaginés autour des activités réelles du chantier pour initier l'utilisateur au métier, aux techniques et à l'approche scientifique donc de l'archéologie subaquatique. Et où là, évidemment, il s'agit d'appréhender le site sous un angle pratique, donc sur le mode de la simulation, donc sans danger et sans compétence de la plongée, et surtout avec le droit à l'erreur. Donc, nous avons vu la vocation pédagogique de ces systèmes de médiation. Voyons à présent la vocation de recherche participative. Alors, les programmes d'archéologie participative fleurissent depuis quelques années sur le web. Je parlerai rapidement de l'un d'entre eux, donc Alerte, qui est une sentinelle du patrimoine côtier français qui regroupe des archéologues, des géographes et des géomorphologues. Et là où les amateurs bénévoles adhérents à ce programme sont donc des acteurs extérieurs qui produisent de la donnée là sans l'interpréter. Donc ils alimentent une plateforme de renseignement web et applications mobiles qui leur permet d'alerter donc cette communauté scientifique sur la découverte de sites archéologiques mis au jour par l'érosion du littoral, et éventuellement donc d'enclencher par le biais de leurs observations de mettre en place donc une archéologie d'urgence. Et quand on voit une telle application, enfin, j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit qu'on rêverait d'un tel système sur les côtes d'Alexandrie et peut-être aussi sur l'arrière-pays qui subit donc une destruction assez systématique. Donc ce dernier aspect des sciences participatives transforme plus profondément les interactions entre la recherche et la société dans cette dernière phase. Donc on appréhende plus complètement de quelle façon le contenu éditorial peut être impacté par les innovations numériques, évidemment, et par les effets de réseau dans un monde où de plus en plus d'internautes investissent les sciences participatives. Et là, je prendrai un exemple connu par tout le monde, donc Wikipédia, qui comptait en 2011 pas moins de 30 millions de contributeurs. Et à plus petite échelle, alors là, je citerai l'exemple de l'association Tela Botanica, puisque en matière d'observation sur la nature, c'est là où on a les plus anciens exemples de sciences participatives. Et donc sur Tela Botanica, je crois qu'il y a à peu près 20 000 membres participant à des programmes donc du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle sur l'observation de la nature. Donc ces collaborations étroites entre professionnels de la recherche et non professionnels tendent, on l'espère en tout cas, et ça s'est démontré, à accélérer les travaux et à créer donc de nouveaux savoirs qui aboutissent parfois à de réels progrès scientifiques, comme le projet Galaxy 200, créé en 2006, il me semble, et pour lequel donc des milliers de volontaires avaient observé des images du ciel générées par des télescopes, donc avec des résultats extrêmement étonnants sur les découvertes des galaxies. Des champs disciplinaires donc concernés qui sont extrêmement divers: conservation des archives, biodiversité, biologie et patrimoine, évidemment. Et alors, pour un contexte donc propice à ces programmes, qui est donc un ensemble de données massives qui se heurtent parfois au manque de moyens humains et financiers, évidemment, et il faut le reconnaître aussi à l'absence de reconnaissance dans le domaine scientifique pour les activités d'enrichissement des bases de données. Bon, évidemment, mettre en place une coopération entre scientifiques et contributeurs citoyens, si je puis dire, exige du temps et puis aussi éventuellement une forte organisation. Mais bon, malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'expériences collaboratives qui sont menées. Et donc je citerai en fait un seul exemple qui me semble relativement proche de la problématique du site sous-marin. Donc il s'agit du projet de l'université d'Oxford pour la traduction des papyri d'Oxyrhynque, et qui, là où il s'agissait de rendre accessible à une communauté d'amateurs éclairés, au travers d'une plateforme web, des jeux de données, en l'occurrence là, les 500 000 fragments de papyri retrouvés en Égypte en 1897. Et là où en un siècle, les scientifiques avaient, je crois, traduit 1% des papyri, donc en 3 ans de web opération, plus de 100 000 papyri ont été décryptés, tout d'abord, et pour certains, donc traduits. Donc ce projet monté par le papyrologue anglais Dirk Hopkins de l'Université d'Oxford montre à quel point un tel projet peut être moteur de la recherche. Donc pour revenir au site de Kite Bay, pour conclure, je pense qu'avec près de 3500 blocs repérés sous l'eau et près de 3000 enregistrés donc, dans les différentes bases de données, nul doute que le site de Kite Bay puisse éventuellement faire l'objet d'un développement du développement d'un programme de ce type, donc d'archéologie participative sous la forme d'une plateforme web qui présenterait peut-être plusieurs stratégies de valorisation. Une première donc concernant le cybermusée, puisque vous avez vu qu'on a quand même là des sources documentaires en masse sur le site et sur le phare. Un lapidaire donc de copies numériques des blocs immergés renfloués qui pourraient être augmentés au fur et à mesure que les réalisations s'effectuent, et ainsi qu'une visite virtuelle du site sous-marin à partir des modélisations 3D qui ont été effectuées, et donc autant de données évidemment numériques qui pourront évoluer, alors là physiquement au travers et en temps réel au travers de ce site web. Des applications pédagogiques également, avec différents contextes d'apprentissage qui donneront accès au moins à certaines données réelles enregistrées sur le site, donc avec une initiation au métier, aux techniques et à l'approche de l'archéologie subaquatique. Et peut-être aussi un dispositif de science participative dans une dernière et ultime étape dont on pourrait rêver, où là, à partir peut-être d'un réseau d'internautes sélectionnés, d'internautes plus avertis, on donnerait libre accès à certaines données afin d'accélérer le traitement de certaines données. Alors là, rapidement, je pensais peut-être à l'observation du site au travers des jeux d'orthophotoplan qui nous donnent une définition extraordinaire du site, et peut-être aussi la création de doubles numériques 3D en photogrammétrie à partir donc de jeux de photos mis à la disposition des internautes, puisque avec 3000 blocs immergés, c'est un travail titanesque qui se présente à nous, et la petite équipe ne pourra évidemment jamais gérer cette immense quantité de blocs par elle-même. Voilà.